tiraillé entre l'envie de péter un câble ou m'enfoncer la tête dans le sable pour zapper ce monde crade, pour zapper ce qui m'entoure et me rend malade. Ça me rend vraiment pâle, tous ces gens sans morale. Moralement je vais mal, mais j'avance car moi aussi je suis dans la normale. Car moi aussi j'ai la dalle, qu'est-ce que tu veux. On est beaucoup à vouloir que ça change, mais malheureusement beaucoup à rien faire pour que ça s'arrange. J'essaye déjà de ranger ma vie, ça commence par rayer ceux qui peuvent ou qui m'ont déjà trahi. Bah oui, pas de vache dans mes amis, de toute façon trop peu pour que je puisse pas griller leur survie. Ceci dit, encore beaucoup de surprises m'attendent, plus de mauvaises que de bonnes, des désillusions, des mises à l'amende. Que veux-tu, c'est la vie et ses méandres, ça m'attriste, mais je continue à croire que j'en demande. Ça en fout, voir ce monde qui tourne pas rond, ça en fout, voir qu'on est pris pour des pions, ça en fout, d'être victime d'une trahison, ça en fout, tant de problèmes, peu de solutions, ça en fout, de devoir se remettre en question, ça en fout, tant de haine, pas compassion, ça en fout, ce qu'on peut faire pour des bifetons, ça en fout, tourner en rond, ça une en fout. Tristesse m'habite, mélancolie antipathique, comme collée à mes pratiques, elle est devenue problématique. Dans ma tête, c'est un frein sans cesse qui me condamne. Il semble que mener ma vie sans stress soit tout un drame. La chance à force de tourner, elle arrive plus à marcher droit. Alors ça m'étonne quand on me dit qu'elle est passée par chez moi. Des fois, j'ai envie d'arrêter et de poser un pied à terre. Imaginez ce que serait ma vie sans ce taf qui m'exaspère. Rattraper les 3-4 putes qui m'ont taclé, assumer de les faire valser, quitte à perdre ma liberté. C'est de constater que la vie fait que se répéter, pisté par des malices, des petits vices et des sévices. Sans lice pour une nouvelle ère, une nouvelle terre. Celle-ci est pas faite pour moi, je le réitère. Ça manque de valeur, de respect, ça me désespère. Ça manque de bonheur et c'est tout seul tu t'enterres. Ça en fout, voir ce monde qui tourne pas rond, ça en fout, voir qu'on est pris pour des pions, ça en fout, d'être victime d'une trahison, ça en fout, tant de problèmes, peu de solutions, ça en fout, de devoir se remettre en question, ça en fout, tant de haine, pas compassion, ça en fout, ce qu'on peut faire pour des bifetons, ça en fout, tourner en rond, ça en fout. Artiste triste, attristé, je pose des rimes à rimer, accroché à un bout de papier, à croire que me sentirais mieux. Au volant d'un R32, ça part en couille en 2-2, 4-4 à l'ouest, trop de keuf nerveux. Je veux bouger ailleurs, je sais pas s'il y a mieux. Mon avenir sans prétention, plein de bifetons. Le genre c'est vrai, ne pas finir ma vie en détention comme un con. Se contenter de la mauvaise partie, y'a pas à chier, fais tourner. Pète que t'es en train de rouler, faut relever la tête pour pas couler. Sa beauté, sa bordée, son navire pour pas sombrer. Habitué, fais pas l'étonner. La carotte, ça fait longtemps qu'elle est passée. Nique sa mère, j'ai la dalle, c'est maintenant que je veux brasser. Nique sa mère, je les baisse tous, on verra après. Attristé par la vie et ses méfaits. Attristé car à 23 puis je sais pas où je vais. Triscard, n'importe où, je me sens ça en fout. Voir ce monde qui tourne pas rond, ça en fout. Voir qu'on est pris pour des pions, ça en fout. D'être victime d'une trahison, ça en fout. Tant de problèmes, peu de solutions, ça en fout. De devoir se remettre en question, ça en fout. Tant de haine, pas de compassion, ça en fout. Ce qu'on peut faire pour des bifetons, ça en fout. Tourner en rond, ça en fout. Voir ce monde qui tourne pas rond, ça en fout. Voir qu'on est pris pour des pions, ça en fout. D'être victime d'une trahison, ça en fout. Tant de problèmes, peu de solutions, ça en fout. De devoir se remettre en question, ça en fout. Tant de haine, pas de compassion, ça en fout. Ce qu'on peut faire pour des bifetons.